Première partie, livre 6, suite. Les Canadiens ne sont plus tels que les ont peints Cartier, Champlain, la Hautan, l'Escarbot, la Fito, Charlevoix et les lettres édifiantes. Le XVIe siècle et le commencement du XVIIe étaient encore le temps de la grande imagination et des mœurs naïves. La merveille de l'une reflétait une nature vierge et la candeur des autres reproduisait la simplicité du sauvage. Champlain, à la fin de son premier voyage au Canada, en 1603, raconte que, proche de la baie des Chaleurs, tirant au sud, est une île où fait résidence un monstre épouvantable que les sauvages appellent Gougou. Le Canada avait son géant comme le Cap des Tempêtes avait le sien. Homère est le véritable père de toutes ses inventions. Ce sont toujours les cyclopes, caribes et scylla, ogres ou gougous. La population sauvage de l'Amérique septentrionale, en n'y comprenant ni les Mexicains ni les Esquimaux, ne s'élève pas aujourd'hui à 400 000 âmes, en deçà et au-delà des montagnes rocheuses. Des voyageurs ne la portent même qu'à 550 000. La dégradation des mœurs indiennes a marché de pair avec la dépopulation des tribus. Les traditions religieuses sont devenues confuses. L'instruction répandue par les jésuites du Canada a mêlé des idées étrangères aux idées natives des indigènes. On aperçoit, au travers de fables grossières, les croyances chrétiennes défigurées. La plupart des sauvages portent des croix en guise d'ornement, et les marchands protestants leur vendent ce que leur donnaient les missionnaires catholiques. Disons, à l'honneur de notre patrie, à la gloire de notre religion, que les Indiens s'étaient fortement attachés à nous, qu'ils ne cessent de nous regretter, et qu'une robe noire, un missionnaire, est encore en vénération dans les forêts américaines. Le sauvage continue de nous aimer sous l'arbre où nous fûmes ses premiers hôtes, sur le sol que nous avons foulé et où nous lui avons confié des tombeaux. Quand l'Indien était nu ou vêtu de peau, il avait quelque chose de grand et de noble. À cette heure, des haillons européens, sans couvrir sa nudité, attestent sa misère. C'est un mendiant à la porte d'un comptoir, ce n'est plus un sauvage dans sa forêt. Enfin, il s'est formé une espèce de peuple métis, né des colons et des indiennes. Ces hommes, surnommés bois brûlés à cause de la couleur de leur peau, sont les courtiers de change entre les auteurs de leur double origine. Parlant la langue de leurs pères et de leurs mères, ils ont les vices des deux races. Ces bâtards de la nature civilisée et de la nature sauvage se vendent tantôt aux Américains, tantôt aux Anglais, pour leur livrer le monopole des pelleteries. Ils entretiennent les rivalités des compagnies anglaises de la baie d'Hudson et du Nord-Ouest et des compagnies américaines, Fur Colombian American Company, Missouri's Fur Company et autres. Ils font eux-mêmes des chasses au compte des traitants et avec des chasseurs soldés par les compagnies. La grande guerre de l'indépendance américaine est seule connue. On ignore que le sang a coulé pour les chétifs intérêts d'une poignée de marchands. La compagnie de la baie d'Hudson vendit en 1811 à Lord Selkirk un terrain au bord de la rivière Rouge. L'établissement se fit en 1812. La compagnie du Nord-Ouest ou du Canada en prit ombrage. Les deux compagnies, alliées à diverses tribus indiennes et secondées des bois brûlés, en vinrent aux mains. Ce conflit domestique, horrible dans ses détails, avait lieu au milieu des déserts glacés de la baie d'Hudson. La colonie de Lord Selkirk fut détruite au mois de juin 1815, précisément à l'époque de la bataille de Waterloo. Sur ces deux théâtres, si différents par l'éclat et par l'obscurité, les malheurs de l'espèce humaine étaient les mêmes. Ne cherchez plus en Amérique les constitutions politiques, artistement construites, dont Charlevoix a fait l'histoire. La monarchie des Hurons, la république des Iroquois. Quelque chose de cette destruction s'est accompli et s'accomplit encore en Europe, même sous nos yeux. Un poète prussien, au banquet de l'ordre teutonique, chanta en vieux prussien, vers l'an 1400, les faits héroïques des anciens guerriers de son pays. Personne ne le comprit, et on lui donna pour récompense 100 noix vides. Aujourd'hui, le bas-breton, le basque, le gaélique, meurent de cabane en cabane à mesure que meurent les chevriers et les laboureurs. Dans la province anglaise de Cornouailles, la langue des indigènes s'éteignit vers l'an 1676. Un pêcheur disait à des voyageurs « Je ne connais guère que 4 ou 5 personnes qui parlent breton, et ce sont de vieilles gens, comme moi, de 60 à 80 ans. Tout ce qui est jeune n'en sait plus un mot. » des peuplades de l'Orénoque n'existent plus. Il n'est resté de leur dialecte qu'une douzaine de mots prononcés dans la cime des arbres par des perroquets redevenus libres, comme la grive d'Agrippine qui gazouillait des mots grecs sur les balustrades des palais de Rome. Tel sera tôt ou tard le sort de nos jargons modernes, débris du grec et du latin. Quelque corbeau envolé de la cage du dernier curé franco-gaulois dira, du haut d'un clocher en ruine, à des peuples étrangers, à nos successeurs, agréez ces derniers efforts d'une voix qui vous fut connue, vous mettrez fin à tous ces discours. Soyez donc Bossuet, pour qu'en dernier résultat votre chef-d'œuvre survive dans la mémoire d'un oiseau, à votre langage et à votre souvenir chez les hommes. En parlant du Canada et de la Louisiane, en regardant sur les vieilles cartes l'étendue des anciennes colonies françaises en Amérique, je me demandais comment le gouvernement de mon pays avait pu laisser périr ces colonies qui seraient aujourd'hui pour nous une source inépuisable de prospérité. De l'Acadie et du Canada à la Louisiane, de l'embouchure du Saint-Laurent à celle du Mississippi, le territoire de la Nouvelle-France entoura ce qui formait la Confédération des 13 premiers États-Unis. Les 11 autres, avec le district de la Colombie, le territoire de Michigan, du Nord-Ouest, du Missouri, de l'Oregon et de l'Arkansas, nous appartenaient ou nous appartiendraient, comme ils appartiennent aux États-Unis par la cession des Anglais et des Espagnols, nos successeurs dans le Canada et dans la Louisiane. Le pays compris entre l'Atlantique au Nord-Est, la mer polaire au nord, l'océan Pacifique et les possessions russes au nord-ouest, le golfe mexicain au midi, c'est-à-dire plus des deux tiers de l'Amérique septentrionale, reconnaîtraient les lois de la France. J'ai peur que la Restauration ne se perde par les idées contraires à celles que j'exprime ici. La manie de s'en tenir au passé, manie que je ne cesse de combattre, n'aurait rien de funeste si elle ne renversait que moi en me retirant la faveur du prince, mais elle pourrait bien renverser le trône. L'immobilité politique est impossible. Force est d'avancer avec l'intelligence humaine. Respectons la majesté du temps. Contemplons avec vénération les siècles écoulés, rendus sacrés par la mémoire et les vestiges de nos pères. Toutefois, n'essayons pas de rétrograder vers eux, car ils n'ont plus rien de notre nature réelle. Et si nous prétendions les saisir, ils s'évanouiraient. Le chapitre de Notre-Dame d'Aix-la-Chapelle fit ouvrir, dit-on, vers l'an 1450, le tombeau de Charlemagne. On trouva l'empereur assis dans une chaise dorée, tenant dans ses mains de squelette le livre des Évangiles, écrit en lettres d'or. Devant lui était posé son sceptre et son bouclier d'or. Il avait aux côtés sa joyeuse, engainée dans un fourreau d'or. Il était revêtu des habits impériaux. Sur sa tête, qu'une chaîne d'or forçait à rester droite, était un suaire qui couvrait ce qui fut son visage et que surmontait une couronne. On toucha le fantôme, il tomba en poussière. Nous possédions outre-mer de vastes contrées. Elles offraient un asile à l'excédent de notre population, un marché à notre commerce, un aliment à notre marine. Nous sommes exclus du nouvel univers où le genre humain recommence. Les langues anglaises, portugaises, espagnoles servent en Afrique, en Asie, dans l'Océanie, dans les îles de la mer du Sud, sur le continent des deux Amériques, à l'interprétation de la pensée de plusieurs millions d'hommes. Et nous, déshérités des conquêtes de notre courage et de notre génie, à peine entendons-nous parler dans quelques bourgades de la Louisiane et du Canada, sous une domination étrangère, la langue de Colbert et de Louis XIV. Elle n'y reste comme un témoin des revers de notre fortune et des fautes de notre politique. Et quel est le roi dont la domination remplace maintenant la domination du roi de France sur les forêts canadiennes? Celui qui, hier, me faisait écrire ce billet. Royal Lodge, Windsor, 4 juin 1822. Monsieur le Vicomte, j'ai les ordres du roi d'inviter votre Excellence à venir dîner et coucher ici, jeudi 6 courant. Le très humble et très obéissant serviteur, Francis Conyngham. Note. Lord Francis Conyngham, frère du premier marquis de ce nom, était chambellan, groom of the bedchamber, du roi George IV. Fin de note. Il était, dans ma destinée, d'être tourmenté par les princes. Je m'interromps, je repasse l'Atlantique. Je remets mon bras cassé à Niagara, Je me dépouille de ma peau d'ours, je reprends mon habit doré, je me rends du wigwam d'un Iroquois à la royale loge de Sa Majesté britannique, monarque des trois royaumes unis et dominateur des Indes. Je laisse mes hôtes aux oreilles découvertes et la petite sauvage à la perle, souhaitant à Lady Cunningham la gentillesse de Mila, avec cet âge qui n'appartient encore qu'au plus jeune printemps, qu'à ces jours qui précèdent le mois de mai, et que nos poètes gaulois appelaient l'avrilé. La tribu de la petite fille à la perle partit. Mon guide, le Hollandais, refusa de m'accompagner au-delà de la cataracte. Je le payai, et je m'associai avec des trafiquants qui partaient pour descendre l'Ohio. Je jetai avant de partir un coup d'œil sur les lacs du Canada. Rien n'est triste comme l'aspect de ces lacs. Les plaines de l'océan et de la Méditerranée ouvrent des chemins aux nations et leurs bords sont ou furent habités par des peuples civilisés, nombreux et puissants. Les lacs du Canada ne présentent que la nudité de leurs eaux, laquelle va rejoindre une terre dévêtue. Solitude qui sépare d'autres solitudes. Des rivages sans habitants regardent des mers sans vaisseaux. Vous descendez des flots déserts sur des grèves désertes. Le lac Érié a plus de 100 lieues de circonférence. Les nations riveraines furent exterminées par les Iroquois il y a 2 siècles. C'est une chose effrayante que de voir les Indiens s'aventurer dans des nacelles d'écorce sur ce lac renommé par ses tempêtes, où fourmillaient autrefois des myriades de serpents. Ces Indiens suspendent leur manitou à la poupe des canots et s'élancent au milieu des tourbillons entre les vagues soulevées. Les vagues, de niveau avec l'orifice des canots, semblent prêtes à les engloutir. Les chiens des chasseurs, les pattes appuyées sur le bord, poussent des abois, tandis que leurs maîtres, gardant un silence profond, frappent les flots en cadence avec leurs pagaies. Les canots s'avancent à la file. À la proue du premier se tient debout un chef qui répète le diphtongue « Hoa ! Ho !» sur une note sourde et longue, « Ha !» sur un ton aigu et bref. Dans le dernier canot est un autre chef, debout encore, manœuvrant une rame en forme de gouvernail. Les autres guerriers sont assis sur leurs talons, au fond des cales. À travers le brouillard et les vents, on n'aperçoit que les plumes dont la tête des Indiens est ornée, le cou tendu des dogues hurlants, et les épaules des deux sachems, pilotes et augures. On dirait les dieux de ces lacs. Les fleuves du Canada sont sans histoire dans l'ancien monde. Autre est la destinée du Gange, de l'Euphrate, du Nil, du Danube et du Rhin. Quels changements n'ont-ils point vu sur leurs bords? Que de sueur et de sang les conquérants ont répandu pour traverser dans leur cours ces ondes qu'un chevrier franchit d'un pas à leur source. Partis des lacs du Canada, nous vîmes à Pittsburgh, au confluent du Kentucky et de l'Ohio. Là, le paysage déploie une pompe extraordinaire. Ce pays si magnifique s'appelle pourtant Kentucky, du nom de sa rivière qui signifie « rivière de sang ». Il doit ce nom à sa beauté. Pendant plus de 2 siècles, les nations du parti des Cherokees et du parti des nations iroquoises s'en disputèrent les chasses. Les générations européennes seront-elles plus vertueuses et plus libres sur ces bords que les générations américaines exterminées? Des esclaves ne laboureront-ils point la terre sous le fouet de leurs maîtres dans ces déserts de la primitive indépendance de l'homme? Des prisons et des gibets ne remplaceront-ils point la cabane ouverte et le haut tulipier où l'oiseau pense à couver? La richesse du sol ne fera-t-elle point naître de nouvelles guerres? Le Kentucky cessera-t-il d'être la terre de sang? Et les monuments des arts embelliront-ils mieux les bords de l'Ohio que les monuments de la nature? Le Wabak, la grande cyprière, la rivière Roselle ou Cumberland, le Cherokee ou Tennessee, les bancs jaunes passés, on arrive à une langue de terre souvent noyée dans les grandes eaux. Là s'opère le confluent de l'Ohio et du Mississippi par les 36° 51' de latitude. Les deux fleuves, s'opposant une résistance égale, ralentissent leur cours. Ils dorment l'un auprès de l'autre, sans se confondre, pendant quelques milles, dans le même chenal, comme deux grands peuples divisés d'origine, puis réunis pour ne plus former qu'une seule race, comme deux illustres rivaux partageant la même couche après une bataille, comme deux époux, mais de sang ennemi, qui d'abord ont peu de penchant à mêler dans le lit nuptial leur destinée. Et moi aussi, tel que les puissantes urnes des fleuves, j'ai répandu le petit cours de ma vie, tantôt d'un côté de la montagne, tantôt de l'autre, capricieux dans mes erreurs, jamais malfaisant, préférant les vallons pauvres aux riches plaines, m'arrêtant aux fleurs plutôt qu'aux palais. Du reste, j'étais si charmé de mes courses que je ne pensais presque plus au pôle. Une compagnie de trafiquants venant de chez les Creek dans les Florides me permit de la suivre. Nous nous acheminâmes vers les pays connus alors sous le nom général des Florides, et où s'étendent aujourd'hui les États de l'Alabama, de la Géorgie, de la Caroline du Sud, du Tennessee. Nous suivions à peu près des sentiers que lie maintenant la grande route des Natchez à Nashville par Jackson et Florence, et qui rentre en Virginie par Knoxville et Salem. Pays dans ce temps peu fréquenté, et dont cependant Bartram avait exploré les lacs et les sites. Les planteurs de la Géorgie et des Florides maritimes venaient jusque chez les diverses tribus des Creeks acheter des chevaux et des bestiaux demi-sauvages, multipliés à l'infini dans les savanes que percent ces puits au bord desquels j'ai fait reposer Atala et Chactas. Ils étendaient même leur course jusqu'à l'Ohio. Nous étions poussés par un vent frais. L'Ohio, grossi de 100 rivières, tantôt allait se perdre dans les lacs qui s'ouvraient devant nous, tantôt dans les bois. Des îles s'élevaient au milieu des lacs. Nous fîmes voile vers une des plus grandes. Nous l'abordâmes à 8 heures du matin. Je traversai une prairie semée de jacobées à fleurs jaunes, d'alcées à panaches roses et d'obélaria dont les grettes est pourpre. Une ruine indienne frappa mes regards. Le contraste de cette ruine et de la jeunesse de la nature, ce monument des hommes dans un désert, causait un grand saisissement. Quel peuple habita cette île ? Son nom, sa race, le temps de son passage ? Vivait-il alors que le monde au sein duquel il était caché existait, ignoré des 3 autres parties de la terre ? Le silence de ce peuple est peut-être contemporain du bruit de quelques grandes nations tombées à leur tour dans le silence. Note. Les ruines de Mitla et de Palenque, au Mexique, prouvent aujourd'hui que le Nouveau Monde dispute d'antiquité avec l'Ancien. Paris, note de 1834. CH. Fin de note. Des anfractuosités sablonneuses, des ruines ou des tumulus sortaient des pavots à fleurs roses pendant au bout d'un pédoncule incliné d'un vert pâle. La tige et la fleur ont un arôme qui reste attaché aux doigts lorsqu'on touche à la plante. Le parfum qui survit à cette fleur est une image du souvenir d'une vie passée dans la solitude. J'observais la nymphéa. Elle se préparait à cacher son lys blanc dans l'onde à la fin du jour. L'arbre triste, pour déclore le sien, n'attendait que la nuit. L'épouse se couche à l'heure où la courtisane se lève. L'onénothère pyramidale, haute de 7 à 8 pieds, à feuilles blondes dentelées d'un vert noir, a d'autres mœurs et une autre destinée. Sa fleur jaune commence à s'entr'ouvrir le soir dans l'espace de temps que Vénus met à descendre sous l'horizon. Elle continue de s'épanouir aux rayons des étoiles. L'aurore la trouve dans tout son éclat. Vers la moitié du matin, elle se fane, elle tombe, à midi. Elle ne vit que quelques heures, mais elle dépêche ses heures sous un ciel serein, entre les souffles de Vénus et de l'aurore. Qu'importe alors la brièveté de la vie ? Un ruisseau s'enguirlandait de Dionée, une multitude d'éphémères bourdonnaient alentour. Il y avait aussi des oiseaux-mouches et des papillons qui, dans leurs plus brillants affiquets, joutaient d'éclat avec la diaprure du parterre. Au milieu de ces promenades et de ces études, j'étais souvent frappé de leur futilité. Quoi ? La révolution qui pesait déjà sur moi et me chassait dans les bois ne m'inspirait rien de plus grave ? Quoi ? C'était pendant les heures du bouleversement de mon pays que je m'occupais de descriptions et de plantes, de papillons et de fleurs. L'individualité humaine sert à mesurer la petitesse des plus grands événements. Combien d'hommes sont indifférents à ces événements ? De combien d'autres seront-ils ignorés ? La population générale du globe est évaluée de 11 à 1 200 millions. Il meurt un homme par seconde. Ainsi, à chaque minute de notre existence, de nos sourires, de nos joies, 60 hommes expirent, 60 familles gémissent et pleurent. La vie est une peste permanente. Cette chaîne de deuil et de funérailles qui nous entortille ne se brise point, elle s'allonge. Nous en formerons nous-mêmes un anneau. Et puis, magnifions l'importance de ces catastrophes dont les 3/4 et demi du monde n'entendront jamais parler. Haletons après une renommée qui ne volera pas à quelque lieu de notre tombe. Plongeons-nous dans l'océan d'une félicité dont chaque minute s'écoule entre 60 cercueils incessamment renouvelés. Nam nox nulla diem, neque noctem aurora secuta est, quae non audierit mictos vagitibus aegris, ploratus mortis comites et funeris atri. Aucun jour n'a suivi la nuit, aucune nuit n'a été suivie de l'aurore, qui n'ait entendu des pleurs mêlés à des vagissements douloureux, compagnons de la mort et des noires funérailles. Les sauvages de la Floride racontent qu'au milieu d'un lac est une île où vivent les plus belles femmes du monde. Les Muscogulges en ont tenté maintes fois la conquête, mais cet Éden fuit devant les canaux, naturelle image de ces chimères qui se retirent devant nos désirs. Cette contrée renfermait aussi une fontaine de jouvence. Qui voudrait revivre ? Peu s'en fallut que ces fables ne prissent à mes yeux une espèce de réalité. Au moment où nous nous y attendions le moins, nous vîmes sortir d'une baie une flottille de canots, les uns à la rame, les autres à la voile. Ils abordèrent notre île. Ils formaient deux familles de criques, l'une séminole, l'autre muscogulge, parmi lesquelles se trouvaient des Cherokees et des bois brûlés. Je fus frappé de l'élégance de ces sauvages qui ne ressemblaient en rien à ceux du Canada. Les séminoles et les muscogulges sont assez grands, et par un contraste extraordinaire, leurs mères, leurs épouses et leurs filles sont la plus petite race de femmes connue en Amérique. Les Indiennes, qui débarquèrent auprès de nous, issues d'un sang mêlé de Cherokee et de Castillon, avaient la taille élevée. Deux d'entre elles ressemblaient à des créoles de Saint-Domingue et de l'Île-de-France, mais jaunes et délicates comme des femmes du Gange. Ces deux Floridiennes, cousines du côté paternel, m'ont servi de modèle, l'une pour Atala, l'autre pour Celuta. Elles surpassaient seulement les portraits que j'en ai faits par cette vérité de nature variable et fugitive, par cette physionomie de race et de climat que je n'ai pu rendre. Il y avait quelque chose d'indéfinissable dans ce visage ovale, dans ce teint ombré que l'on croyait voir à travers une fumée orangée et légère, dans ces cheveux si noirs et si doux, dans ces yeux si longs, à demi cachés sous le voile de deux paupières satinées qui s'entr'ouvraient avec lenteur, enfin dans la double séduction de l'Indienne et de l'Espagnole. La réunion à nos hôtes changea quelque peu nos allures. Nos agents de traite commencèrent à s'enquérir des chevaux. Il fut résolu que nous irions nous établir dans les environs des haras. La plaine de notre camp était couverte de taureaux, de vaches, de chevaux, de bisons, de buffles, de grues, de dindes, des pélicans. Ces oiseaux marbraient de blanc, de noir et de rose le fond vert de la savane. Beaucoup de passions agitaient nos trafiquants et nos chasseurs. Non des passions de rang, d'éducation, de préjugés, mais des passions de la nature, pleines, entières, allant directement à leur but, ayant pour témoin un arbre tombé au fond d'une forêt inconnue, un vallon irretrouvable, un fleuve sans nom. Les rapports des Espagnols et des femmes criques faisaient le fond des aventures. Les bois brûlés jouaient le rôle principal dans ces romans. Une histoire était célèbre, celle d'un marchand d'eau-de-vie séduit et ruiné par une fille peinte, une courtisane. Cette histoire, mise en vers séminole, sous le nom de Tabamica, se chantait au passage des bois. Note. Je l'ai donnée dans Mes voyages. Note de Genève, 1832. CH. Cette histoire de Tabamica se trouve à la page 248 du Voyage en Amérique, où elle porte ce titre « Chanson de la chair blanche ». Fin de note. Enlevées à leur tour par les colons, les Indiennes mouraient bientôt délaissées à Pensacola. Leur malheur allait grossir les Romanceros et se placer auprès des complaintes de Chimène. C'est une mère charmante que la terre, nous sortons de son sein. Dans l'enfance, elle nous tient à ses mamelles gonflées de lait et de miel. Dans la jeunesse et à l'âge mûr, elle nous prodigue ses eaux fraîches, ses moissons et ses fruits. Elle nous offre en tout lieu l'ombre, le bain, la table et le lit. À notre mort, elle nous rouvre ses entrailles, jette sur notre dépouille une couverture d'herbes et de fleurs, tandis qu'elle nous transforme secrètement dans sa propre substance pour nous reproduire sous quelque forme gracieuse. Voilà ce que je me disais en m'éveillant lorsque mon premier regard rencontrait le ciel, dôme de ma couche. Les chasseurs étant partis pour les opérations de la journée, je restais avec les femmes et les enfants. Je ne quittais plus mes deux Sylvaines. L'une était fière et l'autre triste. Je n'entendais pas un mot de ce qu'elles me disaient. Elles ne me comprenaient pas. Mais j'allais chercher l'eau pour leur coupe, les sarments pour leur feu, les mousses pour leur lit. Elles portaient la jupe courte et les grosses manches tailladées à l'espagnol, le corset et le manteau indien. Leurs jambes nues étaient losangées de dentelles de bouleau. Elles nattaient leurs cheveux avec des bouquets ou des filaments de jonc. Elles se maillaient de chaînes et de colliers de verre. À leurs oreilles pendaient des graines empourprées. Elles avaient une jolie perruche qui parlait, oiseau d'armide. Elles l'agrafaient à leur épaule en guise d'émeraude ou la portaient chaperonnée sur la main comme les grandes dames du Xe siècle portaient l'épervier. Pour s'affermir le sein et les bras, elles se frottaient avec la poya ou souchet d'Amérique. Au Bengale, les bayadères mâchent le bétel et dans le Levant, les almées sucent le mastic de Kio. Les floridiennes broyaient sous leurs dents d'un blanc azuré des larmes de liquidambar et des racines de libanis qui mêlaient la fragrance de l'angélique, du cédra et de la vanille. Elles vivaient dans une atmosphère de parfums émanés d'elles, comme des orangers et des fleurs dans les pures effluences de leurs feuilles et de leurs calices. Je m'amusais à mettre sur leur tête quelques parures. Elles se soumettaient, doucement effrayées. Magiciennes, elles croyaient que je leur faisais un charme. L'une d'elles, la fière, priait souvent. Elle me paraissait demi-chrétienne. L'autre chantait avec une voix de velours, poussant à la fin de chaque phrase un cri qui troublait. Quelquefois, elle se parlait vivement. Je croyais démêler des accents de jalousie, mais la triste pleurait et le silence revenait. Faible que j'étais, je cherchais des exemples de faiblesse afin de m'encourager. Camoens n'avait-il pas aimé dans les Indes une esclave noire de barbarie? Et moi, ne pouvais-je pas en Amérique offrir des hommages à deux jeunes sultanes jonquilles? Camoens n'avait-il pas adressé des andechas ou des stances à Barbara Escrava? Ne lui avait-il pas dit « Aquelia captiva, que metem captivo, porque nella vivo, yanao quer que viva? Eu nunca vivrosa, hem suaves molos, que para meus holos, fosse mais formosa. Pretidao de amor, tao doce a figura, que a neve ie jura, que trocara a cor. Leda mansidao, que o siso accompana, bem paretse estranja mas barbara nao. Cette captive qui me tient captif, parce que je vis en elle, n'épargne pas ma vie. Jamais rose, dans de suaves bouquets, ne fut à mes yeux plus charmante. Sa chevelure noire inspire l'amour, sa figure est si douce que la neige a envie de changer de couleur avec elle. Sa gaieté est accompagnée de réserve. C'est une étrangère, une barbare, non. On fit une partie de pêche. Le soleil approchait de son couchant. Sur le premier plan paraissaient des sassafras, des tulipiers, des catalpas et des chênes dont les rameaux étalaient des écheveaux de mousse blanche. Derrière ce premier plan s'élevait le plus charmant des arbres, le papayère, qu'on eût pris pour un style d'argent ciselé surmonté d'une urne corinthienne. Au troisième plan dominaient les baumiers, les magnolias et les liquidambars. Le soleil tomba derrière ce rideau, un rayon glissant à travers le dôme d'une futaie scintillait comme une escarboucle enchâssée dans le feuillage sombre. La lumière divergeant entre les troncs et les branches projetait sur les gazons des colonnes croissantes et des arabesques mobiles. En bas, c'étaient des lilas, des azaléas, des lianes annelées aux gerbes gigantesques. En haut, des nuages, les uns fixes, promontoires ou vieilles tours, les autres flottants, fumés de roses ou cardés de soie. Par des transformations successives, on voyait dans ces nues s'ouvrir des gueules de four, s'amonceler des tas de braises, couler des rivières de lave. Tout était éclatant, radieux, doré, opulent, saturé de lumière. Après l'insurrection de la Morée, en 1770, des familles grecques se réfugièrent à la Floride. Elles se purent croire encore dans ce climat de l'Ionie, qui semble s'être amolli avec les passions des hommes. À Smyrne, le soir, la nature dort comme une courtisane fatiguée d'amour. À notre droite étaient des ruines appartenant aux grandes fortifications trouvées sur l'Ohio. À notre gauche, un ancien camp de sauvages. L'île où nous étions, arrêtée dans l'onde et reproduite par un mirage, balançait devant nous sa double perspective. À l'Orient, la lune reposait sur des collines lointaines. À l'Occident, la voûte du ciel était fondue en une mer de diamants et de saphirs, dans laquelle le soleil à demi plongé paraissait se dissoudre. Les animaux de la création veillaient, la terre en adoration semblait encenser le ciel, et l'ambre exhalée de son sein retombait sur elle en rosée, comme la prière redescend sur celui qui prie. Quitté de mes compagnes, je me reposais au bord d'un massif d'arbres. Son obscurité glacée de lumière formait la pénombre où j'étais assis. Des mouches luisantes brillaient parmi les arbrisseaux encrépés et s'éclipsaient lorsqu'elles passaient dans les irradiations de la lune. On entendait le bruit du flux et reflux du lac, les sauts du poisson d'or et le cri rare de la canne plongeuse. Mes yeux étaient fixés sur les eaux, je déclinais peu à peu vers cette somnolence connue des hommes qui courent les chemins du monde. Nul souvenir distinct ne me restait. Je me sentais vivre et végéter avec la nature dans une espèce de panthéisme. Je m'adossais contre le tronc d'un magnolia et je m'endormis. Mon repos flottait sur un fond vague d'espérance. Quand je sortis de ce l'été, je me trouvai entre deux femmes. Les odalisques étaient revenues. Elles n'avaient pas voulu me réveiller. Elles s'étaient assises en silence, à mes côtés. Soit qu'elles feignissent le sommeil, soit qu'elles fussent réellement assoupies, leur tête était tombée sur mes épaules. Une brise traversa le bocage et nous inonda d'une pluie de roses de magnolia. Alors la plus jeune des Siminoles se mit à chanter. « Quiconque n'est pas sûr de sa vie se garde de l'exposer ainsi jamais. On ne peut savoir ce que c'est que la passion infiltrée avec la mélodie dans le sein d'un homme. » À cette voix, une voix rude et jalouse répondit. Un bois brûlé appelait les deux cousines. Elles tressaillirent, se levèrent. L'aube commençait à poindre. Aspasie de moins, j'ai retrouvé cette scène au rivage de la Grèce. Monté aux colonnes du Parthénon avec l'aurore, j'ai vu le Citéron, le mont Hymette, l'acropolis de Corinthe, les tombeaux, les ruines, baignées dans une rosée de lumière dorée, transparente, volage, que réfléchissaient les mers, que répandaient comme un parfum les zéphyrs de Salamine et de Délos. Nous achevâmes au rivage notre navigation sans parole. À midi, le camp fut levé pour examiner les chevaux que les criques voulaient vendre et les trafiquants acheter. Femmes et enfants, tous étaient convoqués comme témoins selon la coutume dans les marchés solennels. Les étalons de tous les âges et de tous les poils, les poulains et les juments, avec des taureaux, des vaches et des génisses, commencèrent à fuir et à galoper autour de nous. Dans cette confusion, je fus séparé des criques. Un groupe épais de chevaux et d'hommes s'agglomera à l'orée d'un bois. Tout à coup, j'aperçois de loin mes deux Floridiennes. Des mains vigoureuses les assaillaient sur les croupes de deux barbes que montaient accru un bois brûlé et un siminole. « Oh, Cid, que n'avais-je ta rapide Babieca pour les rejoindre ? Les cavales prennent leur course, l'immense escadron les suit, les chevaux ruent, sautent, bondissent, hennissent au milieu des cornes des buffles et des taureaux, leurs sols se choquent en l'air, leurs queues et leurs crinières volent sanglantes, un tourbillon d'insectes dévorants enveloppe l'orbe de cette cavalerie sauvage, mes Floridiennes disparaissent comme la fille de Cérès, enlevée par le dieu des enfers. » Voilà comme tout avorte dans mon histoire, comme il ne me reste que des images de ce qui a passé si vite. Je descendrai aux Champs-Élysées avec plus d'ombre qu'homme n'en a jamais emmené avec soi. La faute en est à mon organisation. Je ne sais profiter d'aucune fortune. Je ne m'intéresse à quoi que ce soit de ce qui intéresse les autres. Or, en religion, je n'ai aucune croyance. Pasteur ou roi, qu'aurais-je fait de mon sceptre ou de ma houlette ? Je me serais également fatigué de la gloire et du génie, du travail et du loisir, de la prospérité et de l'infortune. Tout me lasse. Je remorque avec peine mon ennui avec mes jours et je vais partout bâillant ma vie. Ronsard nous peint Marie Stuart, prête à partir pour l'Écosse après la mort de François II. De tel habit vous estiez accoustré, partant hélas de la belle contrée, dont aviez eu le sceptre dans la main. Lorsque, pensive et baignant votre sein, du beau cristal de vos larmes roulées, triste, marchiez par les longues allées du grand jardin de ce royal château qui prend son nom de la source d'une eau. Ressemblais-je à Marie Stuart se promenant à Fontainebleau quand je me promenais dans ma savane après mon veuvage? Ce qu'il y a de certain, c'est que mon esprit, sinon ma personne, était enveloppé d'un crespe long, subtil et délié, comme dit encore Ronsard, ancien poète de la Nouvelle École.